Nous sommes sur la première plateforme de la Tour Eiffel. La toile du fond représente Paris à vol d'oiseau, la Seine et des nuages. Au second plan, à droite, un appareil de photographie de taille humaine. La chambre noire à soufflet forme un corridor qui rejoint la coulisse. Le devant de l'appareil s'ouvre comme une porte pour laisser entrer et sortir des personnages. À droite et à gauche de la scène, au premier plan, à moitié cachés derrière le cadre, se tiennent deux acteurs, vêtus en phonographe, la boîte contenant le corps, le pavillon correspondant à leur bouche. Ce sont ces phonographes qui commentent la pièce et récitent les rôles des personnages. Vous êtes sur la première plateforme de la Tour Eiffel. Tiens, une autruche. Elle traverse la Seine. Elle sort. Voici le chasseur. Il cherche l'autruche. Il lève la tête. Il voit quelque chose. Il épaule. Il tire. Ciel ! Une dépêche. Une grande dépêche bleue tombe du cintre. La détonation réveille le directeur de la Tour Eiffel. Il apparaît. À ça, monsieur, vous vous croyez donc à la chasse ? Je poursuivais une autruche. J'ai cru l'avoir prise dans les mailles de la Tour Eiffel. Mais vous me tuez une dépêche. Je ne l'ai pas fait exprès. Ben, il ne manquerait plus que ça. Vous connaissez l'amende ? Quelle amende ? L'amende que payent les gens qui chassent sur la Tour Eiffel. Je ne paierai pas. Oh, vous insultez le directeur de la Tour Eiffel dans l'exercice de ses fonctions. Peu m'importe, votre Tour Eiffel est un vieux moule à gaufres. Je poursuivrai cette autruche jusqu'au bout. Fin du dialogue. Voici le photographe de la Tour Eiffel. Il parle. Que dit-il ? Vous n'auriez pas vu passer une autruche ? Si, si, je la cherche. Figurez-vous que mon appareil de photographie est détraqué. D'habitude, quand je dis « ne bougeons plus, un oiseau va sortir », c'est un petit oiseau qui sort. Ce matin, je dis à une dame « un petit oiseau va sortir » et il sort une autruche. Je cherche l'autruche pour la faire rentrer dans l'appareil. Mesdames, messieurs, la scène se corse, car le directeur de la Tour Eiffel s'aperçoit soudain que la dépêche portait son adresse. Il l'ouvre. Directeur Tour Eiffel, viendront noces déjeuner, prière retenir table. Mais cette dépêche est morte. C'est justement parce qu'elle est morte que tout le monde la comprend. Vite, vite! Nous avons juste le temps de servir la table. Je vous supprime votre amende. Je vous nomme garçon de café de la Tour Eiffel. Photographe, à votre poste. Ils mettent la nappe. Marche nuptiale. Le cortège.